Bonjour les francophones. Si vous écoutez cette leçon Upper Intermediate, ça veut dire que vous êtes vraiment des francophones maintenant, non? Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Erika. Je m'appelle Amaury. Bonjour à tous, chers amis. Bon, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Amaury? Aujourd'hui, nous avons une très bonne leçon qui reprend un thème qui est celui de perdre du poids. Même si ce n'est pas facile, c'est un sujet très important et délicat. Donc on va voir quelqu'un qui va passer par là. Alors écoutons le dialogue tous ensemble. C'est ouvert! Alors Julien, qu'est-ce qui te prend? On m'a dit que tu étais au régime. Eh oui, j'ai quelques kilos en trop. Alors je suis allé consulter un diététicien qui m'a proposé de suivre un régime. Il t'a donné un programme pour surveiller ton alimentation alors? Et c'est pour ça que tu as acheté ce vélo d'appartement? Tu permets que je prenne le paquet de chips là-bas? Tu n'en auras plus besoin. C'est vrai. Vas-y. C'est pas tout. Je me suis inscrit à un club de sport et je me suis abonné au magazine Maigrir avec le sourire. Tu te rends compte qu'il n'y a environ que 70 calories dans un pamplemousse? Mais et le club de pétanque? Les repas bien copieux en famille le dimanche? Les apéros avec les potes? Oh, je mangerais bien un peu de ce fromage, là. Je peux? Oui, oui. Vas-y, vas-y. Le club, les festins du dimanche, fini! Oublié! Je suis un autre homme. Maintenant, c'est gymnastique, fruits et légumes, eau minérale. D'ailleurs, toi aussi t'as pris du poids ces derniers temps. Tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, Julien! Bon, on est revenu. Nous revoilà. Alors nous avons cette situation où on se trouve dans un appartement avec cet ami qui arrive, qui débarque, tout étonné. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Julien, qu'est-ce qu'il te prend? Mais qu'est-ce que ça veut dire si on dit qu'est-ce qu'il te prend? Amaury, qu'est-ce qu'il te prend? Ça veut dire Erika, mais qu'est-ce que tu fais, Amaury? Pourquoi il a demandé cette question? Parce qu'il a entendu dire que son ami était au régime. Alors pourquoi est-ce qu'il va faire un régime? Pour lui, il a constaté qu'il avait quelques kilos en trop. Ok, donc quelques kilos en trop. Est-ce que c'est la seule façon de dire « overweight » Non, on peut aussi dire « je me trouve un peu gros ». Alors, il a remarqué qu'il a quelques kilos en trop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter un diététicien. Qui lui a proposé quoi? De suivre un régime. Alors, maintenant, il va surveiller son alimentation, non? Voilà, oui. Est-ce qu'il va s'arrêter là? Non, c'est pas tout. Il est vraiment motivé. Oui. Donc, il a acheté un vélo d'appartement. Ok, attends. J'aimerais bien te poser une question sur ce vélo d'appartement, d'accord? Ouais, si tu veux. Ok, un vélo d'appartement, c'est quoi? Alors, c'est un vélo, mais qui ne bouge pas. Ok, un exercise bike. Mais si, par exemple, on n'est pas dans un appartement, si j'habite dans un château... Mais oui, non, je vois ta question. Si jamais on est dans un château, tu appelleras toujours cela un vélo d'appartement. Ok. C'est le mot qui est désigné pour avoir un vélo fixe que l'on met chez soi. Ok, même si c'est pas dans un appartement. Voilà, bon, exactement. D'accord. Ok. Hey, mais il y a un vélo d'appartement chez toi. C'est vrai. Et tu l'utilises? Non, parce que ça ne bouge pas. Oui. Je crois que c'est cassé. C'est pas parce que je suis paresseuse. Ah, je me doutais bien, Eric. Je me doutais bien. Alors, Julien, il est en train de vanter sa nouvelle vie, où il est vraiment motivé à perdre du poids et tout ça. Mais son ami est un peu préoccupé, non? Ouais, son ami est préoccupé aussi par les chips. Entre nous. Le paquet de chips là-bas. Ouais, ça le concerne. Lui, il n'est pas encore au régime. Oui. À mon avis, il a le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu permets que je prenne le paquet de chips? Bon, tu permets que je prenne. Ouais. C'est une façon de demander, je pourrais. Oui, donc évidemment, ça ne dérange pas son ami. Oui, parce qu'il n'en aura plus besoin. Ah, il veut s'en débarrasser. C'est pas que des chips. Fini tout ça. Alors maintenant, Julien, il a acheté un vélo d'appartement, puis c'est tout? C'est pas tout, il s'est inscrit à un club de sport. Ok, et en plus... Et en plus, c'est ça qui va faire la différence, à mon avis. Oui. C'est l'abonnement à un magazine Maigrir avec le sourire. Maigrir avec le sourire. Yeah, he's not kidding around, Julian. Mais le plus marrant, c'est ce qu'il a dit après. Ouais. Il se préoccupe des calories des pamplemousses. Il a dû lire ça dans le magazine. Oui, oui. Il sait combien de calories un pamplemousse. Eh, franchement, je savais pas qu'il y avait 70 calories dans un pamplemousse. Ah bon, Erika? Ben, moi non plus. Mais bon, son ami s'en fout un peu de toutes ces nouvelles dispositions de Julien. Il va lui rappeler son passé. Il est obligé d'abandonner beaucoup des choses, non? Tout à fait. C'était pas son rythme de vie avant, je crois, puisqu'il faisait de la pétanque. Let's talk about that. Ouais, le club de pétanque. Ok, premièrement, le mot club. Moi, je veux dire club. Et c'est là que les Français le prononcent pas comme ça, malheureusement. Ok, comment? Club. Club. Alors, c'est comme en anglais. Donc, c'est pas difficile. Après, c'est un peu plus difficile, pétanque. C'est quoi la pétanque? La pétanque, c'est un jeu. Il y a même des personnes qui vont dire que c'est un sport, mais j'expliquerai après. Plus tard, on va revenir à ce sujet. Voilà, mais c'est un jeu vraiment typique en France. Ok. Alors, plus de club de pétanque pour Julien, c'est et dommage. Tout ce qu'il va perdre là. Oui, et quoi d'autre? Les repas bien copieux en famille le dimanche. Mais ça, c'est difficile, non? Pour un Français. C'est presque impossible. Les repas en famille le dimanche. C'est un événement très important pour les Français, non? C'est un peu une tradition dans beaucoup de familles. Oui. On se rejoint, on se regroupe le dimanche tous ensemble. Mmh. On fait un très bon repas. Et oui, c'est ça le problème, parce que les repas sont bien copieux. Exactement, il y a énormément de choses à manger. Mmh. Et bon, ouais, là on fait pas attention, on fait pas régime pendant les repas du dimanche. Oui. On mange de tout. Ce ne serait pas possible d'assister au repas en famille le dimanche sans manger beaucoup, c'est ça? Ouais, ça serait très difficile. C'est pas conseillé pour le pauvre Julien d'aller au repas de famille comme ça. Alors, sais-tu pour lui? Et non! Et encore là, une autre tradition française, les apéros. Et en plus, avec les potes. Ok, so, les apéros, c'est like apéritif, non? Exactement, c'est ça. Et les potes, j'adore ce mot-là. Les potes. Ce sont les buddies, the pals. Alors, c'est normal pour les Français quand ils sortent avec les potes pour boire du verre. Ce sont souvent les apéros, c'est ça? En fait, c'est quand on se retrouve avec des amis avant de manger, même si on ne mange pas avec eux. On se retrouve quelque part, on prend un apéro. Oui. Ou bien on peut aussi manger avec eux après. Alors, pauvre Julien, il va perdre des moments précieux avec la famille, les potes, à cause de ce régime. Qu'est-ce qui va rester? Et donc, lui, toute cette conversation, on a parlé d'apéro, de repas, de nourriture, ça a dû donner fin à son ami qui a remarqué un petit bout de fromage. Oui, maintenant, avec les chips. Bah oui, il en mangerait bien un peu, lui. Donc là, il demande beaucoup plus simplement « je peux ». Alors, il paraît que Julien, il est vraiment déterminé. Il dit « fini, oublié ». Avec quoi? Avec le club, avec les festins. Ok, les festins, c'est le feast, right? Exactement, c'est pour dire que ce sont des repas où la nourriture est abondante et où c'est très bon. Donc par exemple, ça peut être les repas en dimanche, le famille. Ça peut être un festin, car il y a beaucoup de choses à manger. Oui, et pour Julien, c'est fini, oublié. Au revoir. Parce qu'il est un autre homme. Oui. So, un autre homme, ça veut dire a new man. Exactement. Comme tout est oublié, fini, il a changé. Oui. Il a changé grâce à sa gymnastique, ses fruits, ses légumes et l'eau minérale qui va remplacer les apéros. Il me semble qu'il est vraiment motivé. Mais c'est évident que ses amis ne vont pas vraiment l'aider. Non, ils vont le regretter, mais ils ne vont pas l'aider. Mmh. Et en tout cas, ils ne vont pas le suivre, ils ne vont pas faire régime. Oui, Julien a essayé d'aider son ami. Mais là, je ne sais pas vraiment si c'est l'aider ou s'il veut se venger. Comme l'autre ne l'a pas vraiment encouragé. Et aussi parce que l'autre ne s'est pas arrêté de manger depuis qu'il est arrivé à la maison de Julien. Exactement. Quoi. Donc, il dit, mais toi aussi, tu as pris du poids ces derniers temps. C'est pas gentil. Pas trop, non. Non. Alors, prendre du poids, c'est évident ce que ça veut dire, mais il faut faire attention. Make sure you don't use the word for gain. Il faut dire prendre du poids. C'est l'expression en français, ouais. Oui. C'est ce qu'on utilise. Mais par contre, le contraire, c'est perdre du poids. Ok. Ah oui, il ne se laisse pas faire. Il dit, tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. It can happen to you. Voilà, fais attention. Il est temps d'écouter à nouveau le dialogue. C'est ouvert! Alors, Julien, qu'est-ce qui te prend? On m'a dit que tu étais au régime. Eh oui! J'ai quelques kilos en trop. Alors, je suis allé consulter un diététicien qui m'a proposé de suivre un régime. Il t'a donné un programme pour surveiller ton alimentation, alors ? Et c'est pour ça que tu as acheté ce vélo d'appartement ? Tu permets que je prenne le paquet de chips là-bas ? Tu n'en auras plus besoin. C'est vrai. Vas-y. C'est pas tout. Je me suis inscrit à un club de sport et je me suis abonné au magazine Maigrir avec le sourire. Tu te rends compte qu'il n'y a environ que 70 calories dans un pamplemousse ? Mais et le club de pétanque ? Les repas bien copieux en famille le dimanche ? Les apéros avec les potes ? Oh, je mangerais bien un peu de ce fromage, là. Je peux ? Oui, oui. Vas-y, vas-y. Le club, les festins du dimanche, fini ! Oublié ! Je suis un autre homme. Maintenant, c'est gymnastique, fruits et légumes, eau minérale. D'ailleurs, toi aussi t'as pris du poids ces derniers temps. Tu sais, l'obésité, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, Julien ! So, first of all, I wanted to talk about something. We had two ways today to talk about how you ask somebody like, je pourrais, blah, blah, blah, right? Ouais. Let's look at the first one because we had some subjunctive in it. Alors, tu permets que je prenne. Okay, so literally, you permit that I take. This permettre que. Ouais. You use the subjunctif. C'est la construction, ouais. The word prendre, prenne, je prenne. C'est pour ça qu'on a ce subjonctif de prendre là, tout à fait. Okay, so what if you want to say can I go using this structure? Tu permets que j'aille. Okay, so j'aille. J'aille, qui est le subjonctif d'aller. Okay, that was when he asked for the paquet de chips, but when he asked for un peu de ce fromage. Je mangerai bien un peu de ce fromage. So use the conditional. Je mangerai bien, really to say what it is you want to do. Exactement, on emploie le conditionnel. So literally, I would eat a little of this cheese. Well, I would go do this. Exactement, c'est pour soumettre une idée, une envie. Si Erika, tu me demandais où je veux aller en vacances, moi je te dirais, j'irai bien à la montagne, Erika. So that doesn't only mean that you would go if, it also means you would like to go, when you say it that way, right? Mm-hmm. A lot of times it's followed by bien. Oui. Okay. So let's talk a little bit about la pétanque. What's that all about? Ah, la pétanque. C'est un sport alors qui vient du sud de la France. Ok. Mais alors, est-ce que c'est vraiment un sport parce qu'on fait pas trop de mouvements, pas beaucoup d'exercices? En fait, c'est facile. Ça se joue avec des boules en métal. Ok. Et une petite boule en bois. All right. Donc il y a deux équipes. Et alors, la première équipe jette la boule en bois. Et ensuite, une boule en métal. Puis c'est à l'autre équipe de jeter une boule en métal, et ainsi de suite. C'est celui qui a la boule en métal la plus proche de la boule en bois qui a gagné. Okay, so the team with the metal ball is closer, the wooden ball wins. Exactement, ouais. Sounds to me like bocce balls. Isn't it the same thing? We're gonna have to ask Italian Pod about this one. Ouais. Would this be a game that you would play pendant les repas, en famille, le dimanche, with the family? Tout à fait. C'est un jeu, les gens le jouent en vacances. Tu peux jouer sur la plage aussi. Yeah. C'est très populaire. Allez, viens, je vais te montrer. Ok, really teach me? Yeah, je vais t'enseigner. Ok, good. Alors, c'est le fin pour aujourd'hui, non? Si vous avez des questions, you can come to frenchpod.com and ask us. Et nous laisser vos commentaires. Ok, so, merci. Merci à tous. Au revoir. Salut.